Comme vous le savez, hier la tragédie a frappé Bruxelles. Je suis personnellement touché, ayant beaucoup d'amis belges. On s'est posé la question de savoir, avec toute l'équipe, si on maintenait le numéro de podcast de ce soir. Parler de jeux vidéo peut sembler futile après ces événements, mais la vie doit continuer. Et Loisirs Numériques prône le partage, la convivialité et l'entraide. Quelle meilleure réponse à la terreur qu'une bande d'imbéciles déblatérant des bêtises sur les jeux vidéo? Nous avons donc décidé de faire le podcast comme prévu. En ces temps difficiles, toute l'équipe du podcast et toute l'association Loisirs Numériques s'associent à moi pour soutenir nos amis belges. Extraordinaire. Hubert, Thibault, venez vite voir. Que se passe-t-il, Docteur Fils? Grâce à mon faisceau ultra-laser à tête nucléaire, j'ai pu subfusionner la matière bionique multisoupape que j'ai ensuite décompressée à très haute température pour isoler ensuite ces quelques grammes de matière que voici. Waouh! Mais qu'est-ce donc que cela? C'est le podcast de Loisirs Numériques! On ok, c'est parti. Alors, Loisirs Numériques, le podcast numéro 4, bonsoir à tous. Au programme ce soir, une nouvelle formule, une coupe et des granolas, un président enthousiaste et le nouveau jeu de la hâte mondiale. Installez-vous confortablement, on est là pendant une heure. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission de l'association qui réconcilie le versus fighting et les petits gâteaux secs. Avec ce soir des intervenants de qualité, avec évidemment mon fidèle bras droit, Happy Meal. Thomas, comment ça va Thomas? Salut à tous. Évidemment il y a un habitué aussi, Akeron, qui est là. Comment ça va Akeron? Hey, ça va. Ça va. Et un petit nouveau qui est parmi nous, c'est Julien, alias Babyface, alias Adibou. Comment ça va? Ah Julien? Oui, tu me plais, salam alaikum, tout se passe très bien, Abdoulouar. Et évidemment, un invité, le dieu, le maître, la légende, le mythe est là. Michael Newton, président de l'association Loisirs Numériques, comment ça va, Michael? Bah ça va bien, super mal à l'aise à chaque fois. Mais non, qui applaudit là? C'est pas qui applaudit. Mais non, c'était un son enregistré, fais pas attention. Ouais, non, ouais, c'était moi qui balance des sons, non, je déconne. On va quand même pas rappeler que ce mois-ci dans l'association, c'est le mois des gameuses. Donc avec des portraits de femmes mises en avant, avec aussi, donc comme vous l'avez vu, le dernier podcast, c'était un numéro spécial entièrement féminin. Avec des interviews, là j'ai vu qu'il y a la deuxième interview qui était publiée, c'est l'interview de Céline, celle qui présentait le podcast la dernière fois. Sauf qu'elle s'appelle Elodie, il me semble. Elodie, mais ça va lui plaire. Pourquoi? Mais on se trompait. On ne nous dit pas. Et j'ai noté interview Céline, super. Non, c'est la première interview Céline, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Elodie, c'est la deuxième. Elodie, c'est la deuxième. Tant pour moi, si j'avais noté sur ma feuille, voilà. Donc, au programme ce soir, on va parler, donc, comme je vous l'ai dit, de versus fighting et de petits gâteaux secs, en parlant du granola tournament, et c'est Julien qui va nous expliquer ça juste après le jingle. Donc oui, hier soir, il y avait le Granola Tournament qui revenait après 2 ans d'absence. Et c'est toi, Julien, justement, qui étais chargé, qui étais chef de projet pour organiser ça. Mm-hmm. Et on va parler avec toi un peu de ce qui s'est passé. Déjà, est-ce que tu peux peut-être un peu nous réexpliquer, c'est quoi le principe du Granola Tournament, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce que le Granola Tournament? C'est un tournoi plutôt de versus fighting dans lequel tu te maraves la gueule, mais de manière très enjouée, avec classe et panache, dans lequel tu gagnes à la fin, si tu es premier, évidemment, le plus beau cash prize de l'univers, c'est-à-dire un paquet de granola original chocolat au lait. Ouh. Voilà, on ne blague plus les enfants. Ouh là, oui, le meilleur paquet de granola. C'est le retour du cash prize. Ça fait. Ah bah c'est le vrai, je veux dire. Les Coréens ont le sel de ne pas y avoir pensé plus tôt. Ah bah les veaux à côté avec ses 100 000 dollars, il peut aller se coucher. Hein. Mais l'argent à un moment, est-ce que ça sert? Non. Un paquet de granola, ça. Enfin bref, on va pas commencer à épiloguer parce que ça va m'énerver. Donc voilà. Non mais voilà, c'est retour du versus fighting et. Et donc ça s'est passé le 22 mars et au Reset Bar qui a ouvert il y a quelques semaines maintenant, dans le premier arrondissement à côté d'Étienne, Marcel, Châtelet, tout ça. Et la barque a l'air bien cool d'ailleurs. Il est chambé, vraiment, ouais, au-delà du, au-delà du tournoi qui a lieu hier et tout ça, mais c'est vraiment génial. À l'étage, tu as une partie rétro gaming avec du Street Fighter, avec du Double Dragon, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça change toutes les semaines aussi. Et en bas, tu as un côté un peu moins rétro, mais tout aussi agréable. Tu as du Mario Kart, tu as du Virtua Tennis. Et pour les plus durs d'entre nous, tu as de la Xbox One et de la PS4. Voilà, si jamais tu es vraiment réfractaire au rétro gaming, il y a quand même plein de trucs à la cool. Et donc voilà, même le bar en soi est très très sympa. Hier, il y a eu combien de personnes un peu écoute, on était. Comment ça s'est passé hier? Carte blanche, il n'y a pas de souci, je vais te faire un petit résumé pour vous et tous les auditeurs. Voilà. Du coup, on était, je pense, entre 80 et 100 personnes, vraiment, en comptant les participants au tournoi qui étaient 40, tout rond. Donc autant te dire que c'était un peu inattendu, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de joueurs en fait finalement. Du coup, ça a duré plus longtemps que prévu. J'ai vu, il y avait quelques gars en plus. J'ai vu sur les photos, et quelques gars, c'est un peu des mecs du guac, quoi. Des mecs qui dosent un peu Street Fighter. Ah, il y avait des mecs qui savaient ce que ça voulait dire, bah gros point, ouais, tout à fait. Il y avait des mecs, les gars de J'ai vu sur les photos, il y a 2-3 têtes que j'ai reconnues. Ouais. Il y avait tout niveau aussi, c'est ça qui était intéressant aussi. Oh oui, il y avait des mecs qui étaient juste là pour se faire rouler dessus, hein, mais avec sourire et panache, donc ça c'était super cool. Ah, clairement, on était là pour le fun. Il y avait des gros Roxor qui sont arrivés très loin, notamment le premier, Lutfi, de son surnom Kieran, qui jouait un bison, mais comme j'ai jamais vu bison, quoi, je pensais que c'était un perso tout pourri, mais en fait, pas du tout. Est beaucoup trop fort. Les vrais savent que bison, il est top tier dans Street Fighter V. Eh ben, je suis un faux, sache-le. Et du coup, oui, c'était un tournoi, donc Granola Tournament sur Street Fighter V, je vais le préciser, puisqu'il est sorti il y a un petit mois, on s'est dit avec Michael, allez, on va relancer la machine sur un jeu très très très attendu. Et du coup, tout le monde a été au rendez-vous, on a bien rigolé, le Reset Bar a été enchanté de notre venue, ils sont, je pense, je m'avance pas trop en disant ça, mais je pense qu'ils seraient très heureux qu'il y ait d'autres granolas qui s'installent au fur et à mesure. Donc je pense qu'on va réfléchir avec Michael sur la prochaine date et les prochains jeux, mais on va faire un peu de pub et vous serez tous au courant du nouveau Granola Tournament, avec bien entendu un granola à gagner et encore plus de respect si jamais Lutfi remet son titre en jeu pour voir qui peut le détrôner, comme diraient ces grands rappeurs, qui peut le stopper. Voilà. Alors petite demande d'un ami à moi qui dit la prochaine fois que vous faites un granola tournament, ce serait bien de le faire sur Pokken, s'il vous plaît. Voilà, le message est passé. Voilà. Qui c'est cette personne? Qui joue à Pokken? Personne ne joue à Pokken. C'est quoi Pokken? Pokken, c'est un jeu qui vient juste de sortir. En fait, c'est les mecs qui font Tekken, qui ont fait un jeu avec les Pokémon. Voilà, un jeu de baston avec les Pokémon. C'est un peu un jeu lotier, si tu vois le genre. C'est un peu un jeu, qui a eu 12 sur jeuxvideo.com et 5 sur Gamekult, tu vois, voilà. Mais 12 mais sur JV.com, c'est sale. Hein. Apparemment, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que pour vraiment pour le joueur du dimanche, pour le débutant, le casual, c'est un jeu de baston vraiment sympa. Après, voilà. Alors moi, c'est ce que j'aime pas, c'est que la plupart du temps, les gens testent en partant du principe que tout le monde joue au jeu de baston, et moi, vraiment que les tests. Ce sera pas le sujet, hein. Mais si effectivement c'est bon pour les débutants, c'est bon de le dire et de le noter en séquence. Quoi. Tu as raison, président. Je suis totalement d'accord avec toi, président. Non. Après, le souci, c'est comme c'est avec Pokémon, c'est quand même un univers un peu enfantin, donc en fait. C'est bien, j'ai envie de dire, c'est bien pour amener les jeunes enfants peut-être au jeu de baston. Après, ils passent des jeux un peu. Pokémon, ouais, effectivement, c'est avant tout les gamins, quoi. Si c'est des mecs de 40 ans qui jouent à ces jeux-là et qui s'attendent à trouver du Pokémon, forcément, ça déçoit. Ben voilà, après, il y a des jeux qui sont faciles mais bien faits, genre comme les Naruto, et apparemment Pokken c'est facile mais c'est un peu mal branlé, ce que j'ai compris. D'accord. Oh, pas de vulgarité, il y a des enfants. Pardon. Je l'ai pas testé le jeu, c'est tout ce que j'en ai vu, que de ce que j'en ai lu, donc je peux pas en dire. D'accord. Alors pendant ce Granola Tournament, il y a mon cher Happy Meal que j'avais envoyé en envoyé spécial avec son petit micro à main. Pour nous réaliser quelques interviews de gens présents à l'événement. Et après, bon, j'en ai fait un petit son. On va vous faire écouter ça tout de suite. Et puis après, on continue à parler du granola. À toutes. Salut, t'es qui? Salut Thomas, je m'appelle Guillaume, moi je bosse à Ubisoft depuis quelques années et je suis surtout là pour voir beaucoup de potes qui participent au tournoi en fait. Lucas, enchanté. Salut, alors moi c'est Black Akashi, j'ai 28 ans et je joue avec Bison. Et alors ce tournoi, qu'est-ce que t'en penses? Tu kiffes? Je suis surpris, en fait ça se perd bien, il y a plein de gens, je crois que j'ai compris qu'il y avait plus de monde que prévu. En fait, on m'avait dit 32 personnes et il y a 60 personnes un peu partout là, c'est super, il y a beaucoup d'ambiance. L'organisation se passe bien aussi, il y a du commentaire, enfin c'est un vrai tournoi quand on y est quoi. Bah c'est mon premier tournoi street et super expérience. Je me suis régalé. J'avais pas été très performant mais j'ai appris et c'était cool, vraiment. Tu joues quel perso? Karine. Karine, mon premier perso sur Street. J'ai découvert Street il y a 3 semaines. Franchement, l'ambiance est vraiment pas mal. Et je trouve que rassembler les gens autour de ce principe est vraiment super. Et qu'est-ce qu'on pense du bar, le Reset, qui accueille ça? Alors le bar, c'est la première fois que je viens aussi. Châtelet, j'avoue que j'y croyais pas trop au début. C'est peut-être du jugement et tout là. Mais en tout cas, on est bien au-dessus des bars gaming que j'avais l'habitude de fréquenter ou d'aller voir. C'est très grand, ligne 2 étages, l'équipement est super cool, les bières sont bonnes, les cocktails sont réussis, que rien à ajouter quoi. Super bar, j'étais pas trop familier en fait de ces endroits, il y a d'autres bars gaming un peu, enfin assimilés gaming dans Paris, j'ai jamais mis les pieds. C'est vrai qu'ici bah, je reviendrai je pense en fait, parce que c'est super cool. Bah en fait le Reset c'est un peu le rêve de tout gosse, hein. Enfin de tout gosse adulte, hein. C'est d'avoir un bar avec du jeu vidéo. Et je te souhaite avec ce bar et franchement c'est une bonne ambiance, c'est bien décoré et ils ont du bon goût. S'il y a un nouveau Granola Tournament qui s'organise, tu seras de la partie encore? Alors c'est sûr, oui. J'espère que ça sera sur un jeu sur lequel je joue plus que Street. À la base je joue pas à Street, mais c'est vraiment pour les potes que je suis là, donc même si les potes sont là je viendrai. Et en plus comme je disais l'ambiance est super cool, donc je suis un client là. Avec grand plaisir. Bah vu que je serai déjà le champion de ce tournoi-là, bah forcément je serai de retour pour mettre mon titre en jeu. Alors voilà, les petites interviews qu'elle a réalisées à Pimille hier. Le dernier, il se laisse pas démonter. Hein. Ah, le Black Akashi, il était magique. Hein. Mais il a dit qu'il avait 28 ans, je crois qu'il en avait 12. C'est délire, quoi. On le voyait pas avec son costume. C'est lui le vrai babyface, c'est pas moi en fait, je suis un escroc. On aurait dû le refuser à l'entrée, lui. Il a été faire une photo avec le trophée en cachette et il a dû mettre sur les réseaux sociaux comme quoi c'est lui qui avait fait. Ouais, donc on le voit à ces petites interviews là que. Les gens étaient contents, l'ambiance était bonne, donc c'était quand même une bonne soirée, bien contents. Ouais, non, c'était une bonne soirée. Après, je pense que comme c'est la première, on était tous un peu dans l'expectative. Je pense que le commentateur aussi, Mr. Joker, a été vraiment fabuleux, j'ai vraiment un mec bien. Mais pour la prochaine, je pense qu'on va foutre vraiment le feu, parce que là, il n'y avait que sur quelques beaux moves où ça gueulait, où il y avait de l'ambiance. Alors qu'il y avait quand même du niveau, et je pense que voilà, pour la prochaine session, ça va vraiment, vraiment gueuler et ça sera encore plus sympa. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Moi, je pense que t'es dur avec toi-même. Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Franchement, c'était nickel, hein, c'est vrai. Ouais, vraiment, y a pas mal j'ai eu pas mal de retours après, beaucoup de collègues et de gens que je connaissais, et je pense pas qu'ils l'ont fait parce que je leur demandais, et je leur demandais très honnête sur leur retour, et vraiment, ils ont passé tous un super moment, ils ont kiffé l'ambiance et surtout l'organisation. Les couacs que toi tu voyais, eux ne le voyaient pas. Donc non, je pense qu'on part sur une très très bonne base pour la suite. Inch'Allah. Ok, c'est cool. Que Dieu t'entende, Michel. Si les Reset sont contents aussi, c'est bien parce que ça fait encore un lieu. Après, s'ils sont contents, si ça leur a amené du monde et qu'ils ont fait une bonne soirée au niveau de leurs chiffres. Parce que eux, c'est ils cherchaient à avoir du monde et à faire de l'argent. C'était l'île. C'était le premier gros. On est le premier vrai tournoi et c'était le deal de toute façon eu avec Alida, Michel, Victor, toute la clique du Reset. Il y aura du monde, vous inquiétez pas. Et en contrepartie, on récupère le lieu et ils ont joué le jeu. On a joué le jeu. Je les ai eus ce matin au téléphone. Ils étaient ravis, très contents, en demande d'un nouveau tournoi. Donc voilà, on a ouvert quelque chose pour nous et aussi pour les autres. Donc c'est du très positif pour le moment. Et il y a Kayane qui est passée en plus. Kayane est passée. Ouais, j'ai vu Kayane, j'ai vu sur les photos, je me suis demandé si c'était elle. Donc, ouais, c'était. Mais elle avait pas, elle avait un peu peur, tu vois. Il y avait trop de niveaux, elle s'est dit, il faut quand je m'entraîne un peu et je reviens là-bas. Voilà. Et je lui ai dit, respect, il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas là pour juger, on est seulement juré, tu vois, il n'y a pas de galère. Ok, bah c'était cool. Alors donc, ça va être quoi dans le futur? Peut-être essayer d'en organiser une autre d'ici à la fin de l'année. Bien plus que ça, mon ami, plus que ça. Non, le but. Après, je sais pas si je peux en parler, Michael, président. Vas-y, parle de ce que tu veux. Ouais. Par de ce que je veux. Alors, je m'appelle Julien, j'ai une mère portugaise, un père toulousain. True story. Non, vraiment, on aimerait faire quelque chose au moins tous les deux mois. Pour déjà installer une sorte de régularité, pour voilà, toujours organiser de mieux en mieux, fidéliser un petit peu tous les gens du Versus Fighting et tout. Et si tout se passe bien, peut-être en septembre, genre rentrée scolaire, tout ça, essayer de faire un granola tournament par mois et peut-être voir aussi, pas que du Versus Fighting, même si c'est la base évidemment. S'il faut avoir une cadence un peu régulière et pour éviter de lasser les gens, s'il n'y a pas non plus. Parce que ce qui est bien, c'est un peu la nouveauté, tu vois, ça rassemble, ça fédère. Donc si on sent que voilà, ça, c'est un peu endormi, entre guillemets, peut-être passer sur des choses voilà, encore plus populaires, comme du FIFA, du PES, des trucs à la cool. Et un autre projet qui est totalement secret. Tu peux faire du Mario Kart, tu peux faire de. Pas mal aussi. Mais le monde nous appartient. On peut tout faire. Il y a Trackmania qui vient de sortir chez Ubisoft, un wink wink, Mickaël. Ah, il sort demain. Il a l'air très bien. Il sort demain. Et oui, moi, enfin, je vais rajouter un petit. Concernant les jeux, c'est vrai que pas mal de demandes concernant. Parle bien près de ton micro, s'il te plaît, Mickaël. Ouais, là, franchement, plus près, je le mange. Hein. Et bon appétit, bien sûr. J'ai entendu quelques demandes pour Super Smash Bros. Ah oui. Et Just Dance. Just Dance, c'est chaud, frère, président. Niveau espace, c'est chaud, mais c'est ça. Ça va être au niveau de la place, ouais. Ouais. On verra. On verra. Just Dance. Ouais, ou Just Dance, on loue la salle des fêtes de Rissorangis. Et pour Smash Bros, on peut rester au reset. Hein. Dans les toilettes, ils sont très grands, les toilettes. Hein. Ils sont immenses. Je me suis perdu deux fois, tu le crois? Ah ben non, mais incroyable. J'ai demandé mon chemin, il y a un mec qui parlait chinois, j'ai rien compris. Incroyable. Ah ben à un moment, fallait arrêter la bière aussi, Julien. Quand tu commençais à avoir des chinois dans les toilettes, fallait se dire, oula, il n'y a plus de bière après. C'est l'histoire, je vous le dis. Bon, c'était cool, donc à suivre pour les prochains Granola Tournament, alors. Yes, papa, on vous tient au courant, de toute façon. On peut déjà annoncer qu'il va y en avoir d'autres d'ici à la fin de l'année, c'est ouais, cool. Ouais, largement, 2-3, easy. Et je rappelle juste... Les granolas, c'est la vie. Voilà. et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'a dit Matt Katz, en nous répondant sur un Twitter, c'est ça, si je dis pas de bêtises, en répondant que... Les granolas, c'était la vie, et évidemment. Ils ont bien raison. Et encore merci à Mad Cat, à Sony pour les consoles, vraiment. Et pas merci à Granola, hein, parce qu'on les a achetés nous-mêmes. Ouais, avec mes sous. Pour l'instant. Voilà, dim, la prochaine fois, on fait apparemment, je voyais Iris qu'en parlait sur le chat, c'est qu'elle avait déjà essayé de voir avec Lu pour se faire sponsoriser le tournoi, mais il n'y a jamais eu de réponse, donc bon. Non, ils s'en foutent, Ils s'en foutent. On pourrait faire un Pimps tournament aussi, c'est bon. Ah ouais, mais Pimps, Pépito, même les trucs Carrefour bas étage. Vas-y, un petit écolier là. Non, un premier prix tournament. Un Pépito contest. Une marque tournament. On va décliner le concept, ça va être génial, les mecs. Ouais, je pense, c'est bon. Ouais, c'est cool. Et ben maintenant, on va passer au gros morceau. Alors, on va. Comment dire? On va disséquer Mickaël, on va le mettre en morceaux. Le gros morceau. Ouais, il est là. C'est tout de suite après le jingle. Et voilà, superbe jingle. Toujours un gros merci à Rouxos qui nous a fait tous ces jingles qui déboîtent. Je le dis à chaque podcast. On le dit à chaque fois, mais c'est vrai que... Ouais, franchement, non, ça claque. Ouais. Surtout qu'en plus je l'ai même pas payé, donc ouais. J'avais dit que je lui devrais une bière, mais toujours pas payé. Donc. Il en boit tout le temps les bières, il est belge. Ouais, il est belge en même temps. Alors il est venu temps de parler de toi, Mickaël, le président, le fameux, l'homme, le mythe. Vous en faites vraiment trop. C'est ça qui est drôle. Ah, il y a Iris qui nous proposerait un bucket tournament, ça serait pas mal ça. Ah, sponsor par ça, KFC. Oui, bah en tant que noir, j'imagine bah, que écoutez, tu est-ce prends qu'on peut pas faire un bio et VG tournament plutôt. Ça serait un mieux. Un vegan tournament. Yeah. Ouais, moi je suis chaud. Je pense que ça aurait beaucoup de succès. Ça aurait beaucoup de succès. On fait ça dans le marais. On fait ça dans le marais, ouais. Tranquille, là, tu vois. Ouais. Si tu veux, moi ça me dérange pas. Alors Mickaël, parle-nous de toi un peu, dis-nous tout un peu si on peut... Ah, direct comme ça Bah je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux On a dit, tu m'as dit, je vais parler de mon parcours, etc. Non, tu m'as demandé de quoi je voulais parler, moi. Bah je t'ai dit, ce serait bien qu'on parle un peu de ton parcours avant que... Parce qu'on sait, voilà, t'es président de l'association Loisirs Numériques, c'est toi qui l'as fondé, tu travailles aussi à Ubisoft et dans les grands ponts de Ubisoft. Évidemment. Monsieur, agenda de ministre. Commençons par le début. Voilà, commençons par le début. Bah, sa mère est portugaise, son père est toulousain. Raconte-nous ton enfance. Bah, moi, alors oui, effectivement, je travaille chez Ubisoft. En fait, je suis dans un service qui s'appelle le département éditorial. C'est en gros, pour faire très très simple, c'est de là d'où partent toutes. J'allais dire toutes les idées de jeux, c'est pas ça, c'est eux qui valident, c'est ce service qui valide les jeux. Les studios viennent proposer, tiens, j'aimerais faire un jeu au hasard, les assassins face aux Templiers. Parle bien fort sur ton micro, s'il te plaît, Mickaël. Ouais, écoute, je le mets dans ma bouche, t'inquiète. Non, mais juste parle bien fort, parce que des fois, en fait, par moment, ça coupe. Je vais parler très fort, mes voisins vont... Il y a des petites coupures, en fait, ça. En fait, il y a des petites coupures par moment, voilà. Je pense pas que ça le sent. Ouais, c'est quand tu arrêtes de parler, je pense que ça coupe. T'es en wifi ? Non-stop. Ouais, je suis en wifi, ouais. Ok. C'est peut-être ça. Et donc, à l'éditorial, on valide en gros des jeux des studios, et on est là aussi pour les encadrer par rapport à prendre de guidelines d'Ubisoft, et à savoir essentiellement des jeux open world, et on leur donne un peu les 10 commandements de ce que sont les... D'accord. Très très simple, et moi je suis la personne qui va donner, distribuer ces grands jalons aux studios, donc on partage tout un tas de documents, on fait tout plein d'événements aussi pour que chacun soit au courant de tout ça, et puis voilà, je des équipes quand ils ont besoin d'en savoir plus, voilà pourquoi les open world et pourquoi on peut pas faire ce jeu, pourquoi on va dans cette direction et pas dans une autre, voilà, donner un peu de la clarté sur ce que veut Ubisoft. Tiens, voilà. C'est intéressant ça, les jeux un peu on va dire un peu un label indé là qui sont sortis il y a dans les années dernières, Ubisoft c'est aussi ton service qui a validé ça, ou... Alors oui, c'est ça, c'est qu'en fait, en général, il faut savoir que la plupart des jeux, c'est des studios qui proposent, en fait. En disant, voilà, moi j'ai une idée de jeu, je voudrais faire ça, et puis ensuite, c'est le service qui valide derrière, oui ou non. Et donc, Child of Light est né de l'idée d'une petite équipe, et justement, le mandat, c'était de rester petite équipe et d'avancer comme ça, et faire un jeu qui a la saveur du jeu indépendant. D'accord, ouais, les Child of Light, les soldats de la, Grom, soldats de la Grande Guerre, Grom, c'était pareil, très bien c'est aussi. Exactement, ouais. La même logique. Et l'idée, c'était de faire un jeu où le personnage avançait de façon procédurale, c'est-à-dire, tous les mouvements du personnage sont pas, c'est pas de la motion capture, c'est tout simplement l'ordinateur qui calcule de la position de tel ou tel membre, comment est-ce que tout ça doit être placé, et donc il y avait un prototype plutôt sympa, donc ils en ont fait un jeu, quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment, quand on dit que c'est un jeu indépendant, on va dire que c'est des équipes indépendantes chez Ubisoft. Non, c'est pour ça que j'ai bien employé le mot label indépendant, parce que c'est pas indépendant, c'est Ubisoft, c'est du gros studio, c'est pas autofinancé par le mec qui fait son jeu, ça n'a rien d'indépendant, mais c'est un label indépendant, on va dire. Après, ça dépend de ce que tu veux dire. Mais en même temps, si on va là-dedans, il n'y a plus vraiment de jeux indépendants, de toute façon. Il y a toujours un grand... Voilà, il y a les mecs même qu'on le... Ori and the Blind Forest. Voilà, oui, je suis en train de le télécharger, là. Les mecs qui ont le label IndieFag, la plupart, il y a un éditeur derrière, il y a un mec qui met des sous, dernièrement, je crois qu'il n'y a que Stardew Valley là, qui vient de sortir, qui est fait par un mec pendant 4 ans, un seul type pendant 4 ans, voilà, lui il est vraiment un... Non, il en reste quand même pas mal, hein, mais c'est qu'après il va falloir mettre pattes Voilà. Il a pas pété un pendant un petit moment et attendre. Non, mais c'est voilà, pas pour que ça fonctionne. C'était le genre de jeu donc, qui changeait un peu de ce que Ubi faisait d'habitude, les Assassin's Creed, les. Ouais. Etc. Donc, c'est vrai que c'était. Ça portait, moi je trouvais une bouffée de fraîcheur un peu. Ouais, de ce que faisait beaucoup Ubi, de fraîcheur le jeu. Ouais. Tous ces jeux-là ont beaucoup de fraîcheur. Hein. Donc voilà pour ce que je fais. Et puis oui, à côté de ça, moi ça fait. Dans le domaine, passé par plusieurs types de boulot. Je bossais avec la plupart des sites gamers que vous connaissez, donc. Pas les plus gros, parce que justement, la boîte dans laquelle je travaillais, c'était un peu l'alternative. Au-delà de jeuxvideo.com, Gamekult, qui sont les autres sites, et c'était de trouver des moyens de financer les autres sites. Donc, à l'époque où Gameblog était un peu plus petit, c'est-à-dire du début jusqu'à... À l'époque où c'était bien, quoi. On part sur le débat. C'est lui qui l'a dit. On va me taper dessus. Je me casse de cette ambiance pourrie. Puis juste avant ça, j'ai bossé chez John aussi. J'avais fait mon stage de fin d'études Microsoft. Et puis voilà, pas mal de petits boulots aussi dans des magasins. Toujours est-il que justement, je voulais essentiellement bosser dans le domaine. Donc j'avais fait des pieds et des mains, quoi qu'il arrive, pour. Dans l'industrie, sachant que depuis justement mon ancien boulot avant Ubisoft, l'idée c'était aussi d'agrandir mon réseau dans le domaine et de pouvoir aussi aider les gens qui galèrent un peu à entrer dedans. Donc j'ai créé pas mal d'initiatives, dont l'association, dont des groupes Facebook, dont plein d'autres initiatives pour chacun puisse échanger son réseau, agrandir son réseau dans le jeu vidéo. Quoi. On va y venir justement que. Parce que comment t'es venu donc cette idée après créer l'association? Quand est-ce que ça s'est fait? Comment ça a été fait, au début Ouais, en fait, c'est né au départ sur les fumerolles d'une autre association qu'un des fondateurs de Loisirs Numériques avait créé bien avant à ce que justement on en vienne à parler Loisirs Numériques. Donc ça s'appelait Gaming Tour, je crois. Donc un jeu de mots entre gamin et tour. Donc rien de sexuel. Hein. C'était, c'était. Oh là là, tout de suite. C'était. Ils sont obligés de se justifier déjà. Déjà, c'est qu'il y a un problème. Il faut s'inquiéter. Oui. Non, c'était en fait tout simplement des événements dans les hôpitaux et pour tout faire en sorte que les gamins puissent avoir des bons moments autour du jeu vidéo. Le truc est que ça fonctionnait pas, c'est-à-dire qu'on a trouvé porte close à pas mal d'hôpitaux. Parisiens qui avaient leurs propres initiatives ou qui avaient un petit peu peur du jeu vidéo. Donc très vite, il a lâché l'affaire en se disant « bon, ça marchera jamais, je préfère raccrocher les gants et puis tant pis pour ça ». Et moi, je lui ai dit « t'inquiète, justement, avant son initiative, j'avais aussi pour idée de monter une assoce qui me donnerait un peu le côté good du jeu vidéo, alors qu'à côté, je bossais dans le pur commerce, enfin, un boulot purement de commercial dans la publicité. Donc, je m'étais dit, voilà, j'ai tout plein d'idées, j'ai tout plein de choses que j'ai envie de développer dans le jeu vidéo. On va monter une assos où, à côté de ça, on mettra un côté caritatif dont on trouvera petit à petit des moyens de payer. Et donc, sont arrivés ensuite, le Granola Tournamente, c'était déjà une initiative. Enfin, quelque chose que je faisais chez moi, c'est-à-dire que de temps en temps, on faisait des tournois avec des potes autour de Street Fighter et on mettait ça comme trophée, un paquet de granola, puisqu'on n'avait pas de moyens et que c'était plus un truc cool, un gimmick cool. C'est bon, les granola, donc c'est cool, ça marche. Ouais, c'est ça. Et donc, on en avait fait deux ou trois chez moi à l'époque. Et donc, l'association a été créée en même temps. On a eu beaucoup de... Vrai coup de pouce de la part de l'association MO5.com qui nous écoute de chez eux. Parce que on avait aussi une autre initiative justement qui est née en même temps que l'association, qui était les rencontres vidéoludiques, des débats autour du jeu vidéo. Et comme nous, on n'avait pas de moyens du tout au départ, on n'avait pas forcément des réseaux, Philippe Dubois, le fondateur de .com, et à trouver un espace. On a toujours travaillé ensemble jusqu'à aujourd'hui sur les rencontres vidéoludiques, donc c'est l'action. Et les rencontres vidéoludiques, Granola Tournamente, et puis les Journées Mondiales du Jeu Vidéo, qui est un projet beaucoup plus ambitieux, qui est toujours actif, et l'idée c'est de faire d'instituer un peu l'équivalent de la fête de la musique, mais pour le jeu vidéo. Voilà, donc c'est pas forcément un dossier évident, parce que ça reste... un événement très ambitieux, à envergure mondiale, donc on toque aux portes des associations, des bibliothèques, des sociétés, en leur disant « venez, trouvons un créneau à la fin de l'année, un peu avant Noël, où on fait le plus de bruit autour du jeu vidéo, qui va profiter positivement au secteur. Ah, c'est cool tout ça. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. On voit tes paroles, c'est ça ? On voit tes paroles, c'est ça. On t'écoute religieusement, voilà, c'est ça. Quand le président parle, tout le monde se tait, c'est tout. Ouais, je vois ça, Oui, et puis donc, Loisirs Numériques, il y a maintenant, donc là, c'était la troisième édition l'année dernière, a lancé le Déserbus, qui est un peu son... l'événement le plus médiatique, on va dire, enfin, celui qui est le plus reconnu, peut-être. Ouais, ça, on va dire que c'est celui qui, effectivement, permet de... enfin, en tout cas, sur lequel on a le plus de retours immédiats, en fait. Les Journées Mondiales du Jeu Vidéo, jusque-là, c'est celui qui a une portée la plus importante parce que ça résonne via d'autres assos, via d'autres initiatives, et on n'entend pas forcément parler de tout, puisque chacun peut créer son propre événement, comme la fête de la musique, en fait. Exactement. Ouais. Mais à côté de ça, voilà, des Artbus, c'est celui qu'on a co-créé avec Omake Books, donc Forge, il y a 2013, et effectivement ça marche très bien parce qu'il y a du stream, parce qu'on voit tout de suite les communautés s'agiter autour de l'initiative, qui est en plus caritative, donc on est hyper content, quoi. Et je tiens à signaler que cette année, le Secours Populaire a envoyé des documents. Je peux déduire mes dons des impôts. C'est la première année qu'ils totalement le font, c'est cool. J'en ai reçu un il n'y a pas longtemps. Ouais, exactement. Je vais peut-être rappeler ce que c'est que des Airbus, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Mais vraiment, très rapidement, c'est un marathon du jeu vidéo, en fait, sur le jeu le plus ennuyeux au monde. En fait, ni plus ni moins qu'un jeu expérimental qui aurait dû sortir dans les années 90. Mais qui est resté seulement à l'épreuve de brouillon. Il aurait dû sortir sur Mega CD, pour ceux qui... Et donc, c'est à la base des Artbus... ça te fait rire, moi, c'est vrai que à l'époque, CD, c'était presque... Bah ouais, c'était la console. C'était une sorte de Mega CD. Non, t'inquiète, je sais ce que c'est que le Mega CD. C'était un accessoire à la Mega Drive. Voilà. Oui, c'est ça. C'était un accessoire à la Mega Drive qui permettait de lire des CD plutôt que des cartouches. Exactement. Pour amener des trucs, mais ça n'a jamais marché, en fait. Voilà. Avec beaucoup de jeux nuls dessus. Hein. Ouais, il y a énormément de jeux nuls, et à l'époque, c'était déjà presque une blague. C'était innovant parce que c'était rare, les CD-ROM et tous les... CD-ROM. Voilà. Mais Desert Bus, For Hope, à l'origine, était un Canadien qu'on a localisé, on va dire, sur l'idée de Florent, et donc parce qu'on a l'expertise de faire des événements partout à emporter, il a fait appel à nous en disant voilà, j'aimerais bien adapter cet événement en France, et j'ai trouvé ça aussi bête que cool de prendre le jeu le plus ennuyeux au monde et d'en faire une cause caritative, donc ça m'a éclaté, et on est parti pour une bonne collaboration et pour la quatrième édition cette année, voilà. Donc, les deux versions sont complètement différentes. Oui, absolument, ouais. C'est vrai, c'est que eux, c'est surtout une bande de potes. Ça cartonne, hein, chez eux, en termes de... Ah oui, ils font 3 millions de dollars, 4 millions de dollars, j'ai vu, ils font des trucs. Il y a 10 000, 15 000 viewers, c'est la folie, hein. Ouais, mais c'est beaucoup plus anglo-saxon aussi, cette... Ouais, c'est... Nous, on reste un peu pingre. Surtout dans le jeu vidéo, c'est assez original que de faire un événement comme ça. Malgré tout, à notre hauteur, voilà, c'est 33 000 euros l'an dernier récoltés sur ce jeu où on invite en fait plein de gens, plein de personnalités à jeu vidéo à venir essayer donc ils jouent. Voilà, en fait, le jeu des Airbus, c'est un prétexte pour inviter des gens, pour discuter avec eux pendant une heure, parce que comme il y a rien à faire sur le jeu, à part un moustique de temps en temps et rectifier la direction un peu parce que le bus tire à droite, il n'y a rien à faire, donc c'est un prétexte pour discuter avec eux de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment, de ce que voilà, enfin c'est... Ouais, c'est en ça que ça diffère en fait de la version canadienne, parce que eux, c'est en fait, ils s'enchaînent dans l'équipe, tout simplement, ils sont une équipe de 7-8 personnes, je crois, ils enchaînent à tour de rôle jusqu'à ce que, je crois qu'ils conduisent pendant une semaine, ils enchaînent ça pendant une semaine, jour et nuit, et donc, tant que les gens donnent, ils continuent de rouler, en fait. Et nous, ça dure 3 jours, le temps d'un week-end, et c'est déjà bien assez, quand même. Hein. c'est fort, hein. C'est costaud. Ouais. ouais, Julien il a participé, pas mal de gens, même parmi vous, hein, il est là aussi. Je compte venir cette année, j'ai déjà réservé mon week-end. Vraiment, c'est cool sur le. C'est vraiment un événement super à vivre, que ce soit derrière son écran ou devant. C'est super cool. Ce qui est bien, c'est qu'on est maître de notre événement et de la façon dont ça se déroule. Donc, c'est assez souple et surtout, on peut se permettre de faire un peu, entre guillemets, n'importe quoi et passer un bon moment ensemble et surtout pour la bonne cause. Voilà. Comme tu sais. Et, donc, voilà, je sais pas comment faire le lien avec le reste. On parle un peu tout, peut-être qu'on peut essayer un peu de parler peut-être de comment tu vois un peu l'évolution de loisirs numériques dernièrement, et puis un peu de peut-être si dans le futur peut-être voir un peu comment... Ben, déjà je suis vraiment super content, ça fait 6 ans en fait que la sauce, 6 ans cette année, par rapport à l'idée initiale que je m'en faisais, vraiment aujourd'hui on est en plein dedans. C'est-à-dire que je me fais le constat depuis facilement 6 mois en me disant, mais ça y est, je crois qu'on y est, loisirs numériques, je voulais que ça ressemble à ça. C'est-à-dire des gens qui sont avant tout là pour se retrouver, passer tous un bon moment. Limite, le jeu vidéo devient un prétexte, en fait. C'est juste un fil rouge entre tous les gens qui sont là, donc qu'ils soient joueurs ou moins joueurs ou hardcore gamers, on s'en fout. On est juste là pour passer un bon moment, rigoler, boire des bières et se dire, voilà, toi, t'as joué à quoi? Ben, moi, j'ai joué à ça. Moi, je connais pas. Ben, tiens, ben, je vais te faire découvrir. C'est l'idée que je m'en faisais. Et donc, à côté de ça, il y a tout plein d'autres activités qu'on fait en dehors de ces événements purement jeux vidéo. Donc, c'est super cool. Et donc, j'ai vu évoluer la sauce avec des idées qu'on a dû abandonner en cours de route, d'autres qu'on a lancées et qui finalement perdurent à travers le temps. Donc, vraiment, je suis super content de toute la symbiose qu'il y a maintenant entre les 80 et quelques membres. Et vraiment, dans le futur, j'espère vraiment que ça continuera, que les journées mondiales du jeu vidéo exploseront. Je me suis donné 10 ans pour que ça trouve son rythme. On en est à la 6e année, sachant que l'an dernier était un peu une année blanche, puisqu'on privilégiait, en fait, ça tombait en même temps que les Airbus de l'espoir. Et j'avais privilégié avant tout la faisabilité, le fait de faire un bon événement des Airbus avec... Allison et tout plein d'autres personnes, la vingtaine ou trentaine d'autres personnes qui étaient sur le projet. Et là, voilà, cette année, j'espère qu'on fera un bel événement pour l'E3, un bel événement pour les journées mondiales, Desert Bus, que ça continue, et surtout qu'on ait de plus en plus de membres de façon naturelle, parce que les gens se seront passés le mot. Voilà. En tout cas, vraiment, je suis... c'est ma grande fierté, je suis super content qu'on s'en compte. Et ben nous, en tout cas, enfin moi, personnellement, en tout cas, je suis content d'être dans l'assaut. Je suis content de me retrouver à m'occuper du podcast. Parce que... ouais. Et puis ça arrivait très vite. Hein. en fait, ça m'est un peu tombé dessus, hein, on va dire ça comme ça. Mais par la force des choses, je fais le podcast, mais j'en suis ravi. Et c'est une super ambiance. Parce que moi, je suis là, de nous cinq, je suis celui qui est rentré le plus récemment dans l'assaut. T'es le petit jeune. Oh, ouais, petit c'est ça, je suis le petit jeune. Et Julien, déjà en train de se plaindre. Julien, c'est un des premiers en plus. C'est un vieux. Non, mais je vous connais. Hey, je vous connaissais depuis longtemps. Desert Boot 2014. J'étais aussi à fond sur le truc. Panou qui était venu au Desert Bus là. Brice, c'est un pote à moi. Enfin bref, je vous connaissais bien. D'accord. Oui, voilà. Tu vois, ça c'est de la belle histoire. Tu savais pas ça, Mickaël, que Brice était un pote à moi. c'est cool. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est en tout cas, c'est que donc là, on a vu tout à l'heure les Granola Tournament, donc ça va être amené à se répéter. Ça c'est bien. Le Desert Bus, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de choses en préparation là. On peut pas trop en parler, mais ça a l'air bien cool. Ouais, carrément. Donc le podcast, nous, plus ça va, je pense qu'avec Happy Meal, là, on trouve un peu. On se rôde un peu, il y a encore un peu des problèmes techniques, mais ça, c'est cool. ça va venir. Hein, bon. Regardez-en, ça rend le truc humain. Ouais, c'est voilà. Ça. On n'est pas des machines, on n'est pas des vendus, nous. Ouais, on n'est pas des professionnels du podcast non plus. Mais ça va arriver. Il y a plein de trucs. On a monté Discord. Il y a des gens se retrouvent, par exemple, là, on se sert de Discord pour faire le podcast, mais des gens se retrouvent aussi sur le Discord pour jouer ensemble, notamment. Généralement le dimanche après-midi ils font du Left 4 Dead ou ils font du Hots ou des choses comme ça. Il y a plein de trucs dans l'assaut qui se passent. J'aimerais parler aussi d'un projet que Julien a un petit peu teasé et je me dis bon, c'est l'opportunité d'en parler. Vas-y, on a vraiment un projet pour la rentrée prochaine de faire une sorte de... Alors, c'est pas un marathon du jeu vidéo, mais c'est un peu une, un mini interview du jeu vidéo. Si je, si c'est peut-être la façon. Aiguilux, c'est tout. Faites entrer la vachette. Il y a Aiguilux, c'est tout. La vachette. Ça, comment ? Est-ce qu'il y aurait Aiguilux, c'est tout ? Vas-y, vas-y. Vas-y, ouais, c'est, en fait, c'est, là, l'idée, c'est simple. C'est, de pas, c'est d'avoir un peu un événement avec plusieurs jeux différents. Et d'avoir une sorte de parcours et de logique entre tous ces jeux-là pour que chacun puisse avoir bah, autant du jeu de combat que du jeu très simple à jouer. Enfin, pas mal de petits jeux simples à jouer, genre 5 ou 6 jeux d'affilée et qui font une sorte de preuve globale en équipe. On est en train de réfléchir justement pour lier un peu les règles, la logique, mais l'idée c'est que chacun se marre et vienne avec ah ben je connais ce jeu-là, c'est cool, et puis tiens, ce jeu-là, je le connais pas. Mais à côté, ça fait un ensemble global qui, sur lequel chacun passe un bon moment. Donc, ouais, c'est ça, c'est une super idée, c'est une super initiative, et surtout, il y aura un gros bol de coke. Donc, c'est des fatigué. Non, mais je suis j'imagine que, sportif, j'imagine que ce serait en équipe. J'imagine que ce du Coca-Cola, bien sûr. Ouais. Oui, oui, bah, du un Red bol Bull, de Coca-Cola. Du Red Bull, quoi, du Red Bull. Voilà, on est d'accord. Oui, oui, ça sera en équipe, totalement. Ouais, totalement, totalement. C'est une sorte de big deal, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a pas Vincent Lagaffe, mais ça risque d'être ça. Il y aura Bill, voilà, par donc contre. C'est ouais, l'idée, et puis pareil, de dernier événement là, qu'on avait lancé l'an dernier, avec, qu'on avait co-organisé avec des étudiants l'an dernier, mais qu'on va faire cette année, c'est pas partir à Los Angeles, mais faire un événement à Paris. Oh zut ou simplement, on va organiser quitte dans la barre la diffusion des streams et faire en sorte qu'on le fasse en... qu'on le regarde tous ensemble, qu'on regarde tous les streams... Ouais. D'avant, c'est bon ça. Mais il faudra qu'on en parle parce que limite, moi j'avais vu ça et limite j'avais une idée. Il faudra qu'on parle d'un truc. Parce que peut-être. Peut-être un numéro spécial du podcast là-dessus, un truc comme ça, ça pourrait être cool aussi. Ah bah ouais, ouais, carrément. Tu vois. Donc, moi, c'est, comme je dis, hein, moi le but avec cette asso, c'est que je puisse rien faire et que vous fassiez tout. Ah, tu t'en sors plutôt bien. Et je valide et moi je regarde et je. Il y a deux trois trucs ça à voir comment ça se passe, mais. Voilà, et puis il y a encore une petite action là, qui se fait ce week-end. Non oui, attends, je voulais en parler. Ah oui, je voulais en parler pour finir le podcast comme d'habitude. Sur la fin. L'action, ouais, bah comme d'habitude, comme on fait là, les events à ouais. J'en aurais parlé à la fin du podcast, mais si tu veux en parler maintenant, on peut en parler maintenant. Hein, Louis-Philippe, vas-y. Vu qu'on était lancé sur toutes les actions de l'asso. Vas-y, ouais, si tu veux en parler, ouais. Bon, après, voilà, comme il y a la Gamers Assembly qui se fait à Poitiers ce week-end, ouais. Loisirs Numériques sera présent sur place avec un stand pour l'opération Je Donne. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Je Donne. GTA hein. 4 à 5 euros, messieurs, dames. GTA 5 à 4 euros. Dépêchez-vous. Donc, ouais, c'est vrai qu'on rappelle le principe de Je Donne. Bah, c'est ce qu'on appelle, nous, une brocante solidaire. C'est que vous faites un don de quelques euros pour une association, pour une action. Là, ce sera pour l'hôpital des enfants de Poitiers. Et en échange, on vous remet un jeu, plusieurs, selon le montant de vos dons. Et la tombola voilà, aussi. Je ne sais pas s'il y aura la tombola, la Gamer Assembly. Si, il y aura la tombola. Il y aura la tombola. Et en plus, je serai déguisé en Monsieur Tombola. Voilà. Donc, je voulais la faire. C'est bon ça. Ah, il connaît, c'est bon ça. Mitraillette à gauche, mitraillette à droite. Un t-shirt Top Spin, oui, les t-shirts Top Spin aussi, 1 euro, c'est beau. Ouais, ouais, donc on va venir avec des jeux. Je suis déçu de pas venir du coup. Non, ouais, le principe de la tombola est très cool. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast. Tu pour 1 euro, tu peux tirer un ticket de tombola et tu peux gagner des super trucs collector. Dernièrement, il y avait il y avait les collectors de Far Cry 4, des casques gaming Logitech. Enfin, il y avait des boulots hein, pour. Mais en fait, c'est d'allier le côté brocante solidaire avec aussi un peu voilà le truc du voilà la pas du gain. De se dire, pour 1 euro, tu peux gagner un truc super cool. Il y a des super jeux, je déconne pas. Moi, j'ai fait un don d'un euro, je suis reparti avec Sin of the Solar Empire. C'est un jeu qui date de 2007, c'est un peu vieux, mais c'est un super 4X. Et je suis dessus, là, j'ai 100 heures dessus depuis la dernière. Et je lâche pas le jeu. Et j'ai 1 euro. Ah bah, c'est cool. Voilà, donc, c'est cool. Non, mais c'est vrai qu'on a pas mal de trucs et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir pas mal de contacts dans le milieu et qui sont super généreux. Là, aujourd'hui, on m'a filé à un jeu. Qui m'a filé vraiment une peut-être une cinquantaine de jeux Xbox. Voilà, il y joue plus. Bon, bah, il les file à l'association et nous, on les redistribue lors de ces manifestations-là. Donc, c'est bien cool. Ça fait l'affaire de tout le monde. Et surtout, ça permet de tomber sur des jeux et faire une bonne action en même temps. Donc, c'est cool. Ouais, surtout que 98%, ça revient à Loisirs Numériques, 98% voilà, du montant global. Et 2% pour les hôpitaux malades et les enfants pas bien. Je crois que c'est ça la répartition. Et bien sûr, 98%, c'est ma poche. Hein. Évidemment, on travaille pour toi, président, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Il faut bien comprendre qu'on se... on rappelle que c'est pas une vente, parce que je vois là sur le chat, il parle que c'est... On rappelle qu'on vend pas des jeux. Vous faites un don à l'assaut. C'est vraiment un échange. Voilà, vous faites un don à l'assaut et en échange, vous pouvez vous repartez avec un jeu. Voilà. Bah, surtout, je pars du principe que nous, on les a pas achetés les jeux, donc c'est des jeux qu'on nous donne. C'est pas de la vente, donc c'est des jeux qu'on remet à disposition et nous, on récolte les pour justement cette entité caritative ou solidaire. Et donc nous, on garde un petit pourcentage qui est de l'ordre de 10 à 20% des événements pour qu'on puisse refaire d'autres événements, imprimer des flyers, pourquoi pas imprimer des t-shirts et les remettre sur à disposition des gens. Enfin voilà, faire des choses tout simplement pour que les événements soient... Oui, bah, les frais de fonctionnement, on va dire, pour un fonds de roulement pour amener pour la machine. C'est exactement ça. Voilà. Ça ne nous rapporte pas grand-chose, ça nous éclate de le faire. Là, on descend à Poitiers avec Elodie, qui est membre de l'association. On va retrouver deux autres membres sur place. C'était pas Céline ? Donc, ça veut dire la running gag. Donc, il y aura Gwendoline et Yannick. Grosse à Céline, quand même. Donc ça, je pense qu'on va passer un bon moment. J'imagine bien. Bah, c'est cool tout ça. Donc en tout cas, évidemment, nous on est à fond impliqués là-dedans. Hein, on soutient. Hein, on est membre de l'asso après tout. Bah, j'espère bien. Je rappelle juste que. Non, moi je soutiens pas, c'est dégueulasse. Ouais, moi je me casse demain. Les enfants malades, mais franchement, mais non, qu'est-ce que c'est que cette cause? Eh ben, ils ont qu'à pas être malades. Ben oui. Un pull quand tu sors, t'as vu comment il fait froid dehors. Bon alors. je rappelle juste que pour adhérer à l'asso, si ça vous intéresse, il suffit de se rendre sur le site Loisirs Numériques. Ça revient à 25€ par an, si je dis pas de bêtises. Non, misère. C'est 25€ les 2 ans. C'est encore moins cher que... Cadeau, papa. Après, tu peux venir gratos au grain de la tournament. Qu'est-ce que c'est que 25€? C'est rien du tout. Sur 2 ans. Tellement d'avantages, tellement de fun, tellement d'amour. Il y a un petit formulaire à remplir. Grave. Après, vous recevez un gentil mail de Iris qui vous dit bienvenue. Voilà. Et ça t'a pas pris. Et un mail de Iris. D'ailleurs, je lui fais un bisou parce que je sais qu'elle nous écoute. Et elle est là, elle est sur le chat. Iris, elle déboîte ou la dîme. Sans elle, c'est la mort. C'est la hesse. Sans Iris, c'est la hesse. Moi, je te le dis comme je le pense. Il est en forme, Julien, ce soir. Il en peut plus, il s'arrête pas. Il est ouf. Et Julien, on va te réinviter. Hein. T'es un dingue lingot, toi. Avec grand plaisir. Bon, on va faire une petite pause musicale. C'est toi, Mickaël, qui nous a choisi cette pause musicale. Ouais, et malheureusement, je vais devoir vous quitter. On a pris un petit peu de retard. Et c'est vrai qu'avec ton emploi du temps de ministre... J'ai bien kiffé. J'espère que vous allez adorer. Ouais, bon, on finira sur toi. De toute façon, après, on va parler d'un jeu vidéo. Donc, comme t'as pas le temps de jouer, de toute façon... c'est pas vrai, mais c'est vrai. Donc, je vais quand même lancer la pause musicale et puis tu nous quitteras, donc on te dit au revoir. Ça marche. Au revoir, président. Le morceau que tu nous as choisi, c'est The Man Who Sold the World par Midge Ure. J'espère que je prononce bien, parce que je connaissais pas ça. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Qui connaît? Bien sûr. Moi, je connais la version de Nirvana ou de Bowie, mais je connaissais pas cette version-là. C'est la meilleure, celle-là. C'est la version de Metal Gear Solid. C'est la version présente dans Metal Gear Solid 5. Et donc, je t'entends à chaque fois que tu appelles ton micro. Un petit clip vidéo. C'est parti pour la pause musicale, ça dure 5 minutes. Mickaël, merci d'être venu et on te dit... Merci à vous et continuez comme ça. Merci Florent pour l'animation, c'est sûr. Je fais de mon mieux, c'est je fais de mon mieux, c'est pas toujours évident, mais je fais de mon mieux. Et puis bon courage pour la Gamers Assembly ce week-end, samedi et dimanche. Et lundi. C'est un fou. Bon courage à vous. Gros bisous. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Salut. stare. We spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Thank you. Kimil qui voulait nous parler du jeu de la hype du moment. Oui, ouais. Je l'ai appelé comme ça, je le surnomme comme ça. Le jeu de la hype du moment, c'était Overwatch. Voilà. Petite zig d'intro d'Overwatch. C'est épique en tout cas cette zig. Ah tellement. Ça fait dans le bain. On a l'impression d'être dans un film hollywoodien. C'est beau. Oui donc ouais, Thomas, donc, alors tu voulais nous parler d'Overwatch, voilà, le nouveau jeu de Blibli, comme on les appelle, de Blizzard. Exactement, exactement. Voilà. Y a Blibli qui a annoncé enfin les dates officielles de la sortie du jeu ainsi que les dates de la bêta ouverte. Donc vite fait pour les personnes qui vivent sur la Lune, Overwatch c'est un FPS compétitif en équipe qui reprend un concept proche d'un Team Fortress. Mais saupoudré merci de le préciser. Ah. Oui, mais tu remarqueras saupoudré de la papate Blizzard et coiffé d'une direction artistique qui mélange les canons habituels du studio avec un style un peu proche d'un Pixar. Donc la sortie elle est confirmée pour le 24 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One et la bêta ouverte sera du 3 au 9 mai pour ceux qui ont précommandé le jeu et pour ceux qui n'ont pas précommandé ce sera à partir du 5 mai. Petite subtilité quant à la sortie parce que si on peut le précommander c'est que oui on peut l'acheter, donc Overwatch n'est pas un free to play mais un buy to play, donc toutes les maps et personnages seront disponibles en l'achetant. Alors même si tous les objets cosmétiques sont débloquables en jeu, on ne sait pas vraiment si on pourra dépenser des sous-sous en plus pour pouvoir les obtenir rapidement ou pas. Ils ont balancé un sondage récemment pour tous ceux qui étaient en bêta fermée, ouais. De savoir le coffre, tu veux l'acheter combien, c'est à combien, ça, c'est cher, tout ça, donc... voilà. Ils tâtent un peu le terrain pour voir comment ils vont faire. Oui, enfin, connaissant la politique depuis quelques années de Blizzard, ils vont sûrement mettre de l'argent, du vrai argent. Quoi. Sûrement. Boutique, en tout cas, si... ce qui est sûr, c'est que tous ces trucs-là, c'est purement cosmétique, en tout cas. Oui, ben, comme voilà, souvent. Tout le contenu jeu voilà, sera disponible à l'achat. Donc j'en parle parce que bon, un nouveau jeu Blizzard qui sort, c'est quand même un événement en soi, parce que bon, souvent, ça modifie radicalement le paysage vidéoludique. Et aussi parce que Blizzard a sorti lundi soir un petit court-métrage de 7 minutes et qui présente un peu une partie de l'histoire des protagonistes qu'on peut incarner, genre il y a Winston, une sorte de gorille scientifique. Et oui, c'est un court-métrage sur le personnage de Winston, le gorille. C'est ça, tout à fait. Exactement. C'est ultra bien fait. Comme d'habitude chez Blizzard, hein, ils défoncent et qu'ils font. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent un long-métrage. Ils ont un character design qui est tellement puissant, ils peuvent faire un film de 2 heures, ça passerait crème. Même déjà à l'époque de Warcraft 3, des choses comme ça, les cinématiques défoncées, ils ont toujours été très forts là-dedans, Blizzard. Ils sont vraiment très bons. Ouais. Donc apparemment c'est le premier épisode d'une série de plein de petits épisodes, j'imagine jusqu'à la sortie. Donc ça fait partie de leur plan com. Je fais partie des chanceux qui ont accès à la bêta fermée depuis plusieurs semaines, donc j'y joue régulièrement et je m'éclate comme un ouf. Le jeu est magnifique. Comme je l'ai dit, le character design c'est un character design de compétition. Enfin, tu t'attaches à des persos alors que c'est un FPS quand même, c'est quand même assez rare. Le jeu est super bien optimisé, le gameplay est très fun. Et c'est, comme on dit dans le milieu, c'est le easy to learn, hard to master, donc facile à prendre en main et difficile à maîtriser dans sa globalité. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi de mon côté, je trouve que la recette, je pense que la recette va fonctionner. J'imagine déjà un très gros succès avec un bon potentiel. C'est fort, j'imagine. C'est fort. Le seul truc que je trouve un peu dommage, parce que j'ai aussi la chance d'être sur cette bêta, c'est que tu es très vite emporté par le non-fun. C'est-à-dire que le côté compétitif ressort quand même assez vite. Au bout de 3-4 heures, voilà, tu commences à tâter un peu tout le monde. Et là, petit à petit, tu commences à avoir tes persos, tu sais ce qu'il faut jouer, ce qu'il faut pas jouer. Ouais. Et du coup la compétition prend le dessous, voilà, exactement. Et ben tu peux perdre un peu de fun, contrairement à Team Fortress que j'avais pas mal saigné à l'époque, où dans ces cas là tu fais que rigoler. Enfin moi c'était juste des barres ce jeu, tellement il est décalé. Et Overwatch, voilà, c'est le seul truc que je reprocherais, mais enfin, parce que je suis pas en mode compétition, mais c'est vrai que t'as le seum quand tu perds. Oui, ouais, c'est vrai. Très très frustrant. Alors, petite question pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est chacun pour soi, c'est en équipe. Petite précision par rapport à deux questions qu'il y a sur le chat aussi. Comme tous les jeux Blizzard, c'est pas dispo sur Steam, c'est dispo sur leur propre plateforme de vente Battle.net pour les PC. Et oui, ça va sortir sur console normalement. De toute façon, le jeu est clairement orienté pour un contrôle, un contrôle au pad. PS4 et Ouais, clairement, le jeu il est pensé pour la console à la base. Ça se ressent tout de suite. Donc voilà, c'était juste pour répondre aux deux petites questions qu'il y avait sur le chat. Voilà. Ouais, tu fais bien. Tu as joué un peu toi, Flo ? Bah moi j'y ai joué un peu. Moi j'ai pas accès, mais bon, je connais des gens qui ont des accès. Enfin bref, voilà. Vous savez mes relations dans les milieux. Bref, moi j'aime. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais en fait je vois pas l'intérêt du jeu. En fait, t'as Team Fortress 2 qui est sur Steam, c'est gratuit. Ça fait 10 ans que ça existe, ça tourne. Ça tourne, c'est bien. On s'en fout, mais t'as des modes de jeu, tu l'améliores le jeu. Mais ça fait 10 ans, du coup, il faut passer à autre chose. Mais le jeu, il est encore très bien. Il est super fun. En plus, c'est gratuit. Tu peux y jouer jusqu'à 32 par map. Enfin, voilà. En plus, tu peux gagner de l'argent avec les chapeaux. Bref, le délire des chapeaux dans Team Fortress. Non, moi, personnellement, je vois pas l'intérêt. Après, le seul intérêt, ouais, c'est si, voilà, ils vont le sortir sur console. Les joueurs consoleux, ils sont pas habitués à jouer à ce genre de jeu un peu. Donc, ils vont kiffer et puis ils vont en vendre des... par fourgon entier sur console, mais sur PC je vois pas l'intérêt. T'as, voilà, comme je disais, t'as Team Fortress, il est gratuit, tu vas sur Steam, hop, c'est marqué c'est gratuit, paf, tu télécharges, tu joues, bah voilà. Je suis pas un joueur de Team Fortress, j'ai très peu joué, donc je suis pas peut-être pas un très bon avis, mais j'ai l'impression, dites-moi tout de suite si je me trompe, mais qu'il y a plus de diversité dans les personnages, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur Overwatch, avec beaucoup de sorts très différents, avec des bonnes synergies. Je sais pas comment fonctionne Bah en fait Team Fortress, c'est toi qui crée ton truc en fait. Tu vois ? Ok, ah oui, d'accord. C'est toi qui crée tes loadouts, tes machins, tes trucs. En fait, tu fais le personnage que tu veux, en fait. Voilà. Ouais, alors, toute proportion gardée, hein. Je veux dire, ton pyromane, c'est un pyromane. C'est-à-dire, il va pouvoir faire plus de dégâts, moins de dégâts, manger et tout. Mais c'est en fait, c'est la même base. C'est-à-dire, t'as un espion, donc il peut devenir invisible sur Team Fortress. Un espion, il devient invisible, si tu veux, il peut changer d'apparence. Donc, et chaque perso a son type. C'est-à-dire que le scout dans Team Fortress, ça va être, si tu veux, la. Merde, putain. La tresseur dans Overwatch, ouais, t'as des similitudes, ce qui fait que t'es pas totalement perdu. Mais après, oui, comme dit notre cher ami, tu peux modifier un petit peu l'apparence et les caractéristiques de ton personnage. Mais je trouve qu'il y a tellement un effet bonus-malus qui est trop puissant dans Team Fortress que tu le fais pas ou très peu, ou alors tout le monde prend les mêmes items. Ça, c'est... Bon, après, j'ai arrêté de jouer il y a un an, donc peut-être que ça a changé entre-temps. Alors que dans Overwatch, vu que t'as pas de stuff et que c'est juste du cosmétique, c'est juste du skin, du coup t'as pas cette problématique. Après Team Fortress, je trouvais ça juste beaucoup plus fun parce qu'ils sont tellement barrés, les gars sont tellement fous, ils sont partis tellement loin, tu rigoles beaucoup plus qu'Overwatch, c'est tout de suite plus sérieux. Mais Overwatch, le fait que ça soit plus carré, du coup ce 6 contre 6 pour le moment obligatoire, alors j'espère qu'ils vont ouvrir un peu les vannes, mais ouais, ce 6 contre 6 te permet d'être beaucoup plus carré quand même et de faire des parties qui sont beaucoup plus haletantes. Parce que 32-32, toi-même tu sais, t'es sur une map, c'est le bordel. Enfin, c'est un moment. Je pense pas qu'ils vont passer à plus de 6 contre 6, tout simplement parce que, comme on disait, s'ils veulent le sortir sur console. Les consoles elles vont pas arriver à gérer autant de joueurs. Au moins changer de mode de jeu, parce que pour le moment, t'as pas de One for All ou de Team Deathmatch. Là, t'as tout le temps une capture de points, t'as toujours un objectif, et je trouve ça dommage que tu puisses pas t'enjailler sans te prendre la tête. Ça reste pour l'instant, ils ont vraiment mis les modes pour l'esport en fait. Hein. Ouais. Ils ont mis les modes pour que les compètes puissent démarrer rapidement. Et... Mais après, ouais, comme disait Happy Meal, j'adore vraiment ton surnom, mec. c'est bien carré, c'est bien ficelé, les personnages sont charismatiques, tu trouves vite tes chouchous. C'est du jeu Blizzard. Les jeux Blizzard sont toujours très carrés, très ficelés, ça marche, enfin voilà. Exactement. Et c'est marrant parce que par rapport aux jeux Blizzard qui sont très typés support, DPS, tank, machin, sur Overwatch, c'est la même chose et tu te surprends très vite à jouer les mêmes classes souvent. Et c'est là où intervient le Patrick Bruel au poker, facile à prendre et difficile à maîtriser, quoi. C'est marrant de remarquer ça. Moi, je vous entends depuis tout à l'heure dire, parce que moi, je me fais un peu l'avocat du diable, Overwatch, voilà, j'y ai joué, mais j'aime pas trop. Je vous entends dire, voilà, les personnages sont bien, la direction artistique, tout ça. Moi, je trouve ça quelconque, mais personne. Enfin, je trouve. Je vois aucune originalité dans les persos. La direction artistique, un peu cartoon. C'est déjà vu, quoi. Non, mais c'est déjà vu quoi. Tout. C'est un cartooniche Pixar Blizzard avec leurs proportions un petit peu exagérées et tout. Les personnages ont de la gueule et ils sont bien doublés. Moi je trouve ça très très propre honnêtement. Bah moi je trouve pas. Je trouve voilà. T'as la fille support bien foutue avec des gros seins. Voilà. T'as l'autre le ninja. T'as le gros. Oui mais après le but c'est de prendre des clichés et bien les détourner, bien s'en servir. Tu vois. Il faut des stéréotypes pour pouvoir faire des trucs qui fonctionnent. Moi j'aurais aimé justement que ce soit Blizzard qui nous ont habitués à être super créatifs. Qui fasse quelque chose. Je trouve qu'ils sont bien plus créatifs dans Overwatch que dans leur perso de Warcraft, Starcraft. Hein. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus éclatés là-dessus. Moi, je trouve que ça sent parce que justement, c'est très divers. C'est très détaillé et si tu creuses, va toute proportion gardée. Hein. Chaque perso a quand même sa propre identité. Et c'est pour ça que tu vas t'amouracher très vite de certains personnages et pas d'autres. Genre par exemple, ouais. Tu vas dans les tanks. Moi, la Russe. Je la supporte pas, que ce soit son gameplay ou sa façon d'être. Et à côté de ça, Winston, donc le singe que tu vois dans le court métrage, je le surkiffe. Il est génial. Et c'est ça pour toutes les classes. Tu vas vite aimer au-delà de tes chouchous dans chaque catégorie. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est hyper bien. C'est comme par exemple Diablo 3. C'était le féticheur. J'ai joué 300 heures le féticheur. J'ai pas joué les autres classes. Et tu ressens ça dans Overwatch. Et du coup, tu vas vite te calquer sur ce que t'aimes. Et c'est pas juste parce que il est cheaté sur le moment, ce perso. Il va être buff, il va être nerf ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que ce perso, il a une intro gameplay. Qui te fait taper des barres. T'aimes le gameplay. Tu t'identifies à lui et tout, quoi. Je soutiens le fait que c'est du bon chara design parce que dès que tu prends un des persos, tu le regardes juste, tu comprends son caractère, s'il est gentil, méchant, qu'est-ce qu'il a traversé dans la vie, pourquoi est-ce qu'il est équipé comme ça. Ouais, et après, ce qui est cool, c'est que les persos parlent entre eux, tu vois. Oui, ils se taunt parfois, c'est des barres. Ils se taunt, ils se disent machin, ils font ah, mais toi, je te connais, je te kiffe comme mec, t'as fait des trucs trop cool. Et du coup, t'as une sorte de mini-histoire que tu fais dans ta tête parce que tu comprends les relations entre les persos, machin, et ça participe au fait que tu t'attaches au personnage. D'accord. Pour en revenir un peu, parce que je vous entends parler quand même depuis tout à l'heure de deux, trois choses. C'est un jeu clairement aussi qui a une dimension e-sport. Comment ça se passe? Comment est... Enfin, moi, de ce que j'ai testé, ça allait, mais comment est l'équilibrage des persos? Comment est le netcode? Toute la partie technique et tout du jeu voilà. C'est un peu ce que j'avais demandé, effectivement, parce que depuis tout à l'heure, ça parle surtout sur la personnalité des différents caractères et sur le cosmétique et l'apparence. Mais après, qu'est-ce qu'il en est des habilités propres à chaque personnage? Sur l'équilibrage du jeu, effectivement. Donc, parce que là, je vois qu'il y a quand même une bonne vingtaine de persos. Est-ce qu'il n'y a pas des doublons ou déjà, des choses qui peuvent se répéter? Déjà, pour parler du netcode, moi, pour un jeu qui est en bêta, bon, c'est une bêta Blizzard, donc en fait, le jeu est gold hein, depuis 2 ans. Hein. mais j'avais eu aucun problème de lag, d'avoir 30 shots de Diablo 3. Ouais, oui, bon, ok. Pas... Ah, on va dire après Diablo 3, on va dire. Voilà. Mais j'ai eu aucun problème sur la bêta. Tout est ultra fluide. J'ai jamais eu de. Ouais, pareil. J'ai pas eu de galère. Et pour revenir à l'équilibrage, pour dire pour ceux qui sauraient pas, quand on dit qu'un jeu est gold, c'est qu'un jeu il est fini. Enfin, il est fini d'être programmé, d'être créé. Il n'y a plus de bugs. Il n'y a plus qu'à peaufiner. Il est prêt pour partir en production. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était juste pour préciser pour ceux qui sauraient pas. Voilà. Quant à l'équilibrage, effectivement, il y a 2-3 persos qui étaient un petit peu abusés, mais ça, c'est comme tous les MOBA ou tous les jeux où tu as beaucoup de personnages, c'est qu'il y a des mises à jour, tu as des rotations, tu as des personnages qui sont buffés, nerfés. Je trouve que pour l'instant, le truc est plutôt bien foutu, il n'y a pas eu de... Mais c'est vrai parce qu'il y a tu as vu des mises à jour pour buff et nerf en bêta, t'as déjà ça m'a étonné entre guillemets. Les mecs sont ultra réactifs, hein. Dès qu'ils voient qu'il y a un perso qui est pas bon au bout de 2 semaines alors que c'est un jeu en bêta, les mecs patchent. Ouais, direct quoi, c'est vraiment, en fait c'est ça, t'as l'impression que qu'il est prêt à jouer quoi en fait. C'est ça, ouais. Dès qu'ils l'ont montré. Ouais. Et au niveau de la communauté, ça joue comment? Ça joue équipe, parce que bon, c'est un jeu d'équipe hein. Où ça joue chacun dans son coin. Le jeu est fait de manière à ce que tu es un peu obligé, de toute façon. Pour l'instant, c'est des trucs qui sont assez dirigistes parce qu'il faut capturer des points, faire avancer un véhicule d'un point A à un point B. Les maps sont faites de manière à ce que tu es un peu obligé de participer à l'action, de toute façon. Donc les gens jouent le jeu. Après, ça arrive de pas avoir. En fait, quand tu vois quelqu'un, enfin une équipe en face de toi qui est solidaire, ça se voit. Et c'est ça aussi, du coup, qui ouais. est bien et pas bien. C'est parce que quand ouais. toi, t'es un peu désorganisé, que t'as deux tanks, pas de healer, pas de personnage de soutien ou quoi que ce soit. En plus, toutes les maps ont leurs forces et leurs faiblesses. Et ça aussi, je trouve ça pas bien pour le moment, mais tu sais très bien qu'il y a des compositions qui matchent à 100% sur la map A, la ouais, carte A, et qui puent la défaite sur la carte B. Et du coup, si tu veux, parfois, c'est embêtant parce que t'es obligé déjà. Les mecs ont tellement poncé le jeu que t'es obligé de suivre certains stéréotypes. Donc, du coup, ça, je trouve ça un peu embêtant de base. Et quand t'es pas organisé, qu'en face de toi, t'as une team organisée, mais tu te fais rouler dessus, mais on te répand. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien parce que. Et ça, du coup, ça peut être un des trucs un peu embêtant, en tout cas. Non, pour c'est pas bêta, embêtant, moi, je trouve ça plutôt bien fort. Parce que. Justement, ça force à jouer en équipe. Et voilà. Si les mecs sont organisés en face et que tu es sûr de perdre quasiment à chaque coup, voilà quoi. Il y a des jeux. Il y a des jeux qui sont soi-disant faits pour jouer en équipe et il y a des mecs qui arrivent à gagner en jouant chacun pour soi. Donc, Non, tu peux pas avoir un mec. Enfin, il y a un mec qui sort du lot, mais il va pas te faire la game. Parce qu'à un moment, tu vas être bloqué, tu vas être les mecs en face de toi en mode siège, en défense, avec des tourelles de partout. Et le mec qui a fait la game, là, il va se dire faut que je change de perso. Et forcément, le perso qui va prendre, il va être moins fort avec lui. Et du coup, celui qui a fait la game les 5 premières minutes va certainement pas la faire les 5 dernières. Donc, du coup, t'es vraiment pour le moment, je trouve, et Happy Meal, tu me dis si tu me trouves pas, mais le travail d'équipe, c'est primordial. Vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, tu peux pas gagner. Vraiment, jeu d'équipe. Hein. Ils ont vraiment misé là-dessus, ça se voit à 100%. C'est un petit peu comme Heroes of the Storm. Ils ont tout misé sur l'entraide et tout, ça fonctionne totalement là-dessus. Hein. Ouais, enfin Heroes of the Storm. Enfin, j'espère que ça aura plus de succès que Heroes of the Storm, quoi, parce que. Voilà. Ah, Heroes of the Storm, c'est ouais, bof. Heroes of the Storm, c'est mort, déjà. Heroes of the Storm. Je dirais pas que c'est mort, mais ça. Il y a 2000 viewers sur Twitch. Le soir, il y a 2000 viewers sur Twitch sur Heroes of the Storm. Oui, l'aspect compétition n'est pas assez mis en avant par rapport à un MOBA. À mon avis, se font des couilles en or quand même, t'inquiète pas. Ouais, mais bon. Je sais pas, ouais, pareil, pour avoir testé vite fait Dota, mais surtout un gros joueur de League of Legends, Heroes of the Storm, ça marche pas, hein. On va pas se mentir, ça marche pas. C'est pas genre trop casu, pas trop simple, mais le fait de pas avoir d'équipement, déjà, c'est hyper perturbant. Ils ont fait en sorte que l'expérience se partage pour éviter les snowballs, donc les personnes qui vont justement faire une partie tout seul. Mais en fin de compte, c'est ton équipe qui snowball. Donc, au lieu d'avoir une personne arrêtée, finalement, t'en as 5 à stopper. Et Le jeu en soi n'est pas mauvais. Non, mais clairement. Moi, je pense tout simplement que ce soit arrivé trop tard sur Heroes of the Storm, c'est tout. Oui, ça, c'est il y a moyen. Et voilà, du coup, le fan service n'a pas suffi. Enfin, je dis ça, je taille pas. C'est pas parce que tu peux jouer Illidan ou Diablo que le jeu. C'est ça, tout à fait. Il manque d'un petit quelque chose. Que ne manque pas, du coup, Overwatch si on fait la comparaison à Team Fortress. Enfin, je trouve, en tout cas. C'est vrai que Team Fortress commence un peu à accuser son âge aussi. Ah ouais, 10 ans, t'imagines. Après, si Team Fortress 3 il sort, ça se trouve, je vais lâcher Overwatch et je vais me mettre sur Team Fortress 3. C'est comme Half-Life 3. On l'attend. Ils sont bien placés quand même, Blizzard, parce que c'est vrai qu'ils sont. Il y a Team Fortress, mais vu qu'ils se fatiguent un petit peu, ils sont arrivés au bon moment. Et dès qu'ils ont annoncé leur jeu, comme par hasard, 6 mois après, il y a eu 5 studios qui ont annoncé leur FPS, TPS compétitif en équipe avec des couleurs pastel, tout pareil. À mon avis, là, ils ont. On peut être sûr que le jeu va être un succès. De toute façon, la hype est énorme. Je vois sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, de Overwatch, tout le monde l'attend. En plus, de toute façon, ils vont le sortir sur console, comme on disait. Donc, tous les joueurs console, ils vont être hypés, ils vont l'acheter. Enfin, voilà. C'est clair que ça va être un succès. Et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Contrairement à Heroes of the Storm, qu'ils auraient dû se lancer sur console, à mon avis, pour avoir du succès. Mais ils l'ont pas encore fait. Un bon test, effectivement. Ils l'ont pas encore fait. Bref, donc on attend avec impatience au mois de mai pour avoir donc la version définitive, voir ce que ça donne. D'Overwatch de Blizzard. Tout à fait. Et puis on va voir d'Of Warcraft 2 aussi, s'il vous plaît, Blizzard. Ou Warcraft 4, surtout Warcraft 4, s'il vous plaît, Blizzard. Tu sais qu'Overwatch, c'était censé être le projet Titan, qui était censé être la relève de World of Warcraft. Ouais, qui était censé être leur prochain MMO, qui a été annulé. Mais moi, je demande juste un Warcraft 4, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Moi aussi, tellement. Bon, on va passer aux recommandations. Chacun a préparé sa petite recommandation comme je vous avais demandé de le faire. Yep. Vous êtes prêts? C'est tout de suite après le jingle. Et voilà, c'est parti. Donc les recommandations, donc vous avez tous préparé un petit quelque chose. On va commencer avec toi, Acheron, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Cette semaine, ce sera musique, une petite surprise en fait. Alors il y a deux semaines, il y a la dernière saison d'X-Files qui se terminait. Et je suis tombé par hasard, mais sans trop me faire mal, sur l'album de David Duchovny. Alors, il a fait de la musique alors. Voilà. Alors ce monsieur, en plus d'être acteur, a sorti un roman il y a un ou deux ans, il me semble. Et l'année dernière, au mois de mai, il a sorti donc son album musique, que moi je découvre là il y a deux semaines. Et alors là, on est loin de X-Files, on est plus dans l'ambiance Californication. D'accord. Puisque sur le côté musical, ça se rapproche plus à du REM. D'accord. Pour toute la partie musique. Et au niveau de sa voix, lui, ce serait plus une voix à la Leonard Cohen, mais dans les premières années. Ce qui fait que, du coup, on a un mélange qui est plutôt sympa à écouter. C'est lui qui chante, hein. C'est lui qui chante, ouais. Alors, l'album s'appelle Hell or High Water, sorti donc l'année dernière. Et j'ai eu pour info aussi qu'il serait en concert au mois de mai, le 12 pour être précis, à La Cigale à Paris. Ah. Voilà, donc deux découvertes comme ça, coup sur coup. Donc monsieur chante, il sera en France dans deux mois, on va dire. Ouais. Comme beaucoup d'acteurs américains, de toute façon, ou actrices, hein, ils sont tous mis à la chanson. Très bon acteur, danseur, chanteur, enfin, ils ont tous un package. C'est les Américains, quoi. Ouais, voilà, c'est. C'est le soir. J'ai suivi un petit peu le parcours de David Duchovny sur ses études, sur son travail, etc. Et bon, c'est vraiment quelqu'un qui est un peu touche à tout. Je recommande quand même cet album, au moins l'écouter une fois, se faire son avis. C'est pas mauvais. Tu sais s'il est sur Spotify ou sur Deezer ou sur Moi, je l'ai écouté sur Deezer. Sur Deezer, ok. Donc, il doit être aussi sur Spotify si c'est sur Deezer. Voilà. Donc on vous le conseille, donc l'album de David Duchovny, Hell or High Water, si j'ai bien retenu. C'est bien ça. Et je te remercie, Acheron. On va passer à Happy Meal, s'il te plaît. Quelle est ta recommandation cette semaine? Alors ma recommandation, c'est un site qui s'appelle The Beautiful Walk, créé par une certaine personne assez connue sur les internets français qui s'appelle Fibre Tigre. D'accord. Ainsi qu'un certain Tony Truant et un Quentin Vijoux. Alors le concept, c'est comment dire, jusqu'où iriez-vous si chaque jour vous cumuleriez bout à bout vos trajets à pied, à la course ou en vélo? Tu vois, genre, du coup, c'est un sorte de tour du monde virtuel sous forme de course qui est parsemé de petites aventures. Donc, je rappelle, c'est sur un site web. Donc ça se présente sous cette forme. C'est une course qui commence à Vincennes. En fait, chaque jour, le site rajoute tes trajets quotidiens via une application sur ton téléphone comme RunStatic ou Google Fit. Et qui l'ajoute donc sur un parcours qui est déjà tout tracé, qui fait le tour du monde, c'est-à-dire 48 km. Et le trajet est composé très régulièrement d'étapes avec des petites aventures à résoudre, un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros. Et en résolvant ces sortes de petites aventures, tu remportes des objets que tu peux réutiliser dans d'autres étapes, et des points de karma qui indiquent si t'es un mec sympa ou un enfoiré fais des aventures. J'ai commencé il y a 124 jours, et on va dire à raison de 4 km par jour en moyenne, je viens de dépasser la frontière allemande avec 516 km à mon actif. Ah, zo, c'est beau. Pas mal. Et j'aurais terminé cette aventure dans seulement 28 ans et 6 mois. Comment ça se passe? C'est que tes trajets à pied? C'est quoi ces trajets ça, en fait, tu prends ton téléphone, tu mets Google Fit ou RunStatic. En fait, c'est ça. C'est que tes trajets à pied. Tu fais du sport. Ouais. Mais tout ce qui est en voiture, machin, Donc quand t'es dans les transports en commun, ça marche pas, quoi. Voilà. Exactement. Donc ouais, le concept est vraiment sympa. C'est innovant et plein d'humour. C'est ludique. Les petites aventures sont pleines d'esprit. Et tu vois, tous les matins, j'ai ma petite aventure à résoudre parce que je suis arrivé dans un nouveau village. Tu vois, donc il y a la petite photo du village avec la petite énigme et tout à faire. C'est super cool. Donc ouais, j'adore. Et puis j'adore l'idée, c'est de me lancer dans un jeu que je vais finir dans 30 ans. Alors, je sais pas si je pourrais le faire parce qu'il y a quand même des chances, il y a un risque de décéder avant de finir le jeu quand même. Mais voilà, c'est un petit coup de cœur. Donc Beautiful Walk, vous allez sur le site, tu relis ton compte à une appli de sport sur ton téléphone et puis tu es paré pour l'aventure. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fini ce jeu? Tu le sais ça ou... Alors, j'avais entendu une interview de Fibre Tigre. Bah, est-ce qu'il était passé aux Airbus? Je sais plus. Je sais plus où est-ce qu'il avait dit ça, mais apparemment, voilà, il avait juste dit que bah, lui, il finira son jeu dans 20 ans. Quoi. Donc, je pense que personne n'a fini le jeu. Il est trop récent. Il a quoi? Il a peut-être 2 ans, un truc comme ça. D'accord. Tu vois. Fibre Tigre a noté que c'est avec le studio Miklo. C'est lui qui a fait Outzer. Ouais, qui fait. Nous prépare Outzer, super jeu. Deux autres jeux. Là, j'ai vu qu'ils nous ont annoncé un nouveau jeu cette semaine, en plus du jeu d'avant qu'ils avaient déjà annoncé. Enfin, ils travaillent sur deux jeux. J'ai pas vu ça, tiens. Si, c'est une sorte de livre interactif aussi. Je t'invite à aller voir les news, j'ai vu ça cette semaine sur Twitter. Ouais, je regarderai ça. Ok, bah on va aller voir ça, moi ça m'intéresse, je vais aller télécharger ce truc-là, ça a l'air sympatoche. Babyface, s'il te plaît, Adibou. Yes. C'est quoi yes, ta recommandation yes. cette semaine? Musical, j'ai copié sur Acheron du coup, sauf que ça non, sera pas Acheron, David. Acheron s'il te plaît pour Acheron, Acheron, I'm sorry bro. Ça va être du rap musique avec un petit bonhomme qui s'appelle Jazzy Baz, qui a un petit cheveu sur la langue qui rend pas trop mal, qui fait partie l'entourage Cool Connexion Grandville que j'ai découvert via les Rap Contenders, qui est un peu comme dans Eminem, tu sais, des gars qui se clashent en mode rap, les battles de rap a cappella, voilà des gros battles, et c'est un mec qui pour moi sort du lot, en tout cas en France il y en a pas beaucoup des bons, et il a autoproduit son album qui s'appelle P-Town, qui est sorti il y a un petit mois, je crois, que tu peux écouter sur Deezer, je crois que c'est aussi sur iTunes, et franchement, c'est une super surprise. L'intro qui s'appelle du coup P-Town déboîte, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas entendu une aussi bonne intro. Alors pour moi, la meilleure intro du monde, toutes chansons confondues, c'est Genesis de Justice. Je pense que pour moi, c'est le must. Mais il se débrouille pas trop mal, Jazzy Baz, et du coup, son album vaut vraiment le coup. Ça parle de ben voilà de la S, de la rue, de la street, mais pas que. Ça parle aussi d'amour, d'amitié. C'est il y a de tout. Voilà, c'est vraiment Jazzy Baz, P-Town. Je vous vraiment si vous aimez un peu le rap ou si vous êtes juste curieux, ben hésitez pas parce que c'est une très très bonne surprise. Dans le rap français, il y a très peu de bonnes surprises, donc les yeux fermés, vraiment. Ok, d'accord. Mais moi, je suis pas trop rap, mais on va te suivre. Why not? Franchement, tu sais quoi? Tu écoutes P-Town dans ces cas. Tu écoutes juste P-Town, qui est le donc P trait d'union T-O-W-N. Et ça te fait une idée un peu de l'album avec beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'adonations. J'espère que c'est pas comme PNL. Hein, parce que dernièrement, on m'a recommandé PNL sur Twitter. Mais qui, c'est bien, c'est de la grosse merde. Il voulait du mal, le gars qui t'a dit ça. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ok, bah, je te remercie. Bon, on écoutera ça. Alors, je vois que déjà sur le chat, il y a des connaisseurs et des amateurs. Gaiden, les mecs de l'entourage sont cool aussi, connaît. On nous dit, il y a Alison qui nous dit que les mecs de l'entourage sont cool aussi. Donc, Ouais, il y a du lourd. Gaiden est bon. Il y a Taipa, il est bon. Il y a Gaiden, Yoshi, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, parle d'un mec qui s'appelle Yoshi. Yoshi, pour moi, c'est un dinosaure vert qui mange des œufs. Mais bref. Ok, bon, je te remercie, Julien. Avec plaisir. Il est temps de passer à la mienne de recommandation. Alors moi, je vais recommander une chaîne YouTube. Oui, je me suis enfin décidé après 3 changements, hein, Thomas, de recommandation. Voilà. Je vais recommander une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube pour les mâles, les vrais. Non, je déconne, c'est, en fait, c'est juste une chaîne YouTube de mecs qui forgent des épées. Voilà, j'avais dit que j'en parlerais un de ces quatre, et cette fois, voilà, c'est ça. Ça s'appelle Man at Arms. Je vous invite à chercher ça sur YouTube. C'est les mecs, ils refont toutes les armes que vous voyez. Ouais, ils refont toutes les armes que vous voyez dans les jeux vidéo et dans les films. Ils les font en vrai. C'est des timbrés. Mais c'est des timbrés, c'est... J'approuve cette recommandation. Ah ouais, c'est totalement des timbrés. Là, dernièrement, j'ai vu une dernière vidéo que j'ai fait. Ils ont refait une des armes escamotables de Bloodborne. Enfin, ils ont fait les trucs de Xena, par exemple. Ils ont fait le bouclier de Link. Enfin, c'est des malades mentales de la Forge. Ils ont fait toutes les armes des héros d'FF aussi. Ils ont tout fait, tous les FF, là. Celui dans FF8 avec son épée pistolet, sa Gunblade. Ils ont tout fait. Ils ont oh, fait... la Gunblade. Ouais, ouais, ils font tout ça, oh, mais là, c'est des timbrés. C'est... Et c'est des armes, c'est pas simplement des armes fatigues, c'est des armes, que des vraies utiliser. Armes qui marchent. Des armes ouais, qui peuvent tuer des gens. Voilà, c'est ça. C'est des armes qui marchent, tu peux tuer des gens avec. Et à la fin, à chaque fin de vidéo, ils coupent des bouteilles de lait ou des pastèques avec les épées et trucs. Les mecs, c'est des timbrés. Et ce qui est intéressant, après, si comme moi, vous aimez un peu le travail du métal... c'est qu'on voit vraiment bien comment ils font ça, quoi. Ils partent de la pièce de métal brut, qu'ils font chauffer, enfin, on voit vraiment tout ce qu'ils font, toutes les étapes. C'est pas juste, tenez, regardez, on a fait ça, voilà, c'est, on voit tout, ah, tout ouais. le process, et c'est vraiment, vraiment excellent, je vous le recommande. Cherchez sur YouTube. Alors, ils ont plus leur channel YouTube à eux, parce que ils ont été rachetés, maintenant l'émission passe à la télé aux États-Unis, donc c'est sur la chaîne de télé américaine. Mais, vous cherchez Man at Arms sur YouTube, vous les trouvez encore, il y a des playlists qui tournent, etc., donc, je vous le conseille fortement. Voilà, c'était ma petite recommandation. Ça fait plaisir. Chocolat ouais. Gazilan. D'ailleurs, je vais m'adresser à eux parce que je suis du mastering sur Warhammer et je vais voir avec eux. Et voilà, c'était le podcast de Loisirs Numériques, le numéro 4. J'espère que malgré mon chien qui fait tomber mon micro, malgré les malgré les problèmes de téléphone de Mickaël, j'espère que vous avez kiffé. 22h40, on avait dit qu'on ferait qu'une heure, finalement on a fait 1h20. Bon, ben voilà. Bah c'est bien. 1h20 avec des problèmes techniques, hein, mais bon, voilà. Bref. Je vous remercie à tous d'être venus. Je te remercie toi, Pimil. Je te remercie, Akeron. Merci à toi. Je te remercie, Julien. C'était très cool. Avec plaisir. Je vous remercie à tous ceux qui étaient sur le chat. Vraiment, c'était super sympa. Maintenant, il va me rester à faire du montage de l'enfer. Comme d'habitude. Amuse-toi bien. Voilà, je vous dis à tous, à dans 2 semaines, dans 2 semaines le thème est déjà arrêté, je peux vous déjà vous l'annoncer, on fera une rétrospective du genre FPS, avec 2 invités bien spéciaux qui s'y connaissent, c'est des doseurs de FPS, je vous réserve la surprise, vous verrez, c'est des gens connus, voilà. Donc, allez, champagne. Ouais, c'est gens connus. C'est bon voilà. Ça. Le teasing. Podcast international. Teasing Kojimaesque. Non, teasing pas international, franco-français, mais teasing de gens qui maîtrisent leur sujet. Leur sujet. Voilà. Teasing de gens qui jouent à CSGO depuis des années, par exemple. Voilà, tu vois. Voilà. Bref. Bref, je vous en dis pas plus, je vous réserve la surprise dans 2 semaines. Le 6 avril, on se retrouve pour un podcast numéro 5. J'espère un peu moins fouillis que celui-là, avec un peu moins de problèmes techniques. Et puis bah je vous dis encore merci à tous et puis à dans 2 semaines alors. Ciao ciao. Salut, salut, ciao. Beijo, beijo. Ça s'arrête jamais. Mais ça ne finira donc jamais. Nous sommes de retour. Au jeu un mauvais tour. Ok, bonjour. Ce soir, le podcast interdit moins de 18 ans. Faut-il autoriser les belles-mères à lécher les chiens? Aujourd'hui, nous avons Akeros, spécialiste en zombie infantile. Nous avons Abimi, le grand spécialiste de la pédophilie allemande.